La porte d'entrée s'était ouverte, et la pâle comtesse apparut, venant au-devant de ses visiteurs, souriante, vêtue d'une robe traînante, comme une châtelaine d'autrefois. Elle semblait bien la belle dame du lac, née pour ce manoir de comte. Le salon, à 8 fenêtres, en avait 4, ouvrant sur la pièce d'eau et sur le sombre bois de pin qui remontait le coteau juste en face. La verdure à tons noirs rendait profond, austère et lugubre l'étang. Et quand le vent soufflait, les gémissements des arbres semblaient la voix du marais. La comtesse prit les deux mains de Jeanne comme si elle eût été une amie d'enfance. Puis elle la fit asseoir et se mit près d'elle, sur une chaise basse, tandis que Julien, en qui toutes les élégances oubliées renaissaient depuis 5 mois, causait, souriait, doux et familier. La comtesse et lui parlèrent de leur promenade à cheval. Elle riait un peu de sa manière de monter, l'appelant le chevalier Trébuche, et il riait aussi, l'ayant baptisé la reine Amazone. Un coup de fusil, parti sous les fenêtres, fit pousser à Jeanne un petit cri. C'était le comte, qui tuait une sarcelle. Sa femme aussitôt l'appela. On entendit un bruit d'aviron, le choc d'un bateau contre la pierre, et il parut, énorme et botté, suivi de deux chiens trempés, rougeâtres comme lui, et se couchèrent sur le tapis, devant la porte. Il semblait plus à son aise, en sa demeure, et ravi de voir des visiteurs. Il fit remettre du bois au feu, apporter du vin de Madère et des biscuits, et soudain il s'écria « Mais vous allez dîner avec nous, c'est entendu !» Jeanne, que ne quittait jamais la pensée de son enfant, refusait. Il insista, et comme elle s'obstinait à ne pas vouloir, Julien fit un geste brusque d'impatience. Alors, elle eut peur de réveiller son humeur méchante et querelleuse, et, bien que torturée à l'idée de ne plus revoir Paul avant le lendemain, elle accepta.